62. Le marché des monopoles. Lu par Terry. Le marché des monopoles. L'obsession de la rareté est fondée sur un culte un peu naïf dans l'efficacité du marché. Il s'agit bien de cela. Le renforcement de la propriété intellectuelle vise à établir un marché des gènes, un marché de la musique, un marché des connaissances. En bonne théorie libérale, le marché est censé conduire à l'optimum social et économique dans la mesure où il permet, grâce à la mise en relation des acheteurs et des vendeurs, de fixer des prix reflétant la valeur du bien. Si un bien est trop cher, les clients iront vers la concurrence et le producteur est incité à baisser ses prix tant qu'il le peut. Cette régulation par les prix doit permettre la meilleure allocation possible des ressources. Voilà pour la théorie, déjà largement contestée par de nombreux travaux lorsqu'elle est appliquée aux biens matériels. Mais pour l'immatériel, elle est totalement inopérante. L'une des conditions fondamentales à l'efficacité d'un marché, c'est l'existence d'une concurrence pure et parfaite, selon l'expression consacrée. Sans concurrence, le prix ne peut jamais tendre vers sa juste valeur. Le producteur n'est jamais incité à le baisser, puisque personne ne vient chercher à lui prendre ses clients en proposant des produits moins chers. C'est bien pour cette raison que les économistes libéraux détestent les monopoles. Ceux-ci peuvent fixer des prix sans rapport avec une quelconque valeur théorique. Que l'on pense à Microsoft et à sa marge de 86% sur son système d'exploitation ultra-dominant Windows. Or, qu'est-ce qu'un marché des droits de propriété intellectuelle, sinon un millefeuille de micro-monopoles ? C'est le principe même du brevet et du droit d'auteur. L'État accorde au créateur le droit exclusif sur son innovation ou son œuvre pendant une durée limitée et, durant cette période, il peut fixer le prix qu'il désire. Il n'y a aucune concurrence sur les disques de Jean-Jacques Goldman, sur Matrix ou les oiseaux, pas plus que sur le Prozac ou sur la meilleure manière d'agencer trois lames de rasoir pour obtenir une peau de velours. Le client est face à un unique producteur. Ça n'a souvent que peu d'importance, car même en situation de monopole, la plupart des œuvres ou des connaissances couvertes par le brevet peuvent se substituer les unes aux autres. Le pouvoir de marché conféré par le monopole est d'autant plus réduit que d'autres proposent des biens proches, même s'ils ne sont pas exactement identiques. La SNCF dispose en France d'un monopole sur le transport ferroviaire, mais la concurrence avec l'avion l'oblige à soigner ses prix. De la même façon, les disques des chanteuses Céline Dion et Natacha Saint-Pierre peuvent sans difficulté et sans offense être considérés comme des biens substituables. Mais cette pseudo-concurrence entre monopoles n'est pas systématique. On l'a vu avec les Too Many DJs qui désiraient mixer Beck. Le niet de la maison de disques les a poussés à créer une autre œuvre que celle qu'ils avaient à l'esprit. Dans le cas du vaccin contre le paludisme, les 39 situations de monopole créées par les 39 brevets nécessaires au travail des chercheurs ont provoqué une situation inextricable où les titulaires de droits ont exigé des sommes trop importantes. Mais comment se passer d'eux ? Rien ne ressemble moins à un marché pur et parfait que le prétendu marché des droits de propriété intellectuelle. Pour espérer approcher l'optimum économique, celui-ci doit donc être strictement régulé, tout comme les monopoles matériels le sont. Dans les télécoms, où l'opérateur historique est toujours susceptible d'abuser de sa puissance, une autorité de régulation ad hoc surveille les prix et les politiques commerciales. Et pour l'immatériel, comment fait-on ? Comme on l'a toujours fait, avec les outils existants, malheureusement souvent dévoyés ou trop peu utilisés. Une exigence plus forte dans la qualité des brevets délivrés, un droit d'auteur moins long, la licence légale ou obligatoire qui force un titulaire de droit à coopérer, les diverses exceptions aux droits exclusifs comme la copie privée ou le droit de citation. Bien entendu, ce sont justement ces mécanismes que combattent avec acharnement ceux qui désirent réformer l'impropriété intellectuelle pour la rendre toujours plus favorable aux titulaires de droit.